parti, je menace tous tes gars. Personne c'était qui, j'arrivais, tu t'écales. Bouge, pas, je t'allume, passe l'air, le CLM. Je rentre le sol salut, je fais trois fois ton salaire. Je vise le top 3 du rap game, ouais. Je fais que du sale, ils font permis. J'attends encore un peu où je les termine. Allergique au mytho quand tu parles des termes. Mon petit loup, le son speed sort le bloc et ralentit-le. Personne t'écoute quand tu loupes. À zéro en prison, il est quand il est. 1-0, j'suis le leader, passe des BRK. J'suis dans la zone, je zone. T'es max, t'as tes sous PR max. J'pars de la nuit dans la zone. T'es max à 130 à seul les photos. J'pars de la nuit dans la zone. T'es max à 130 à seul les. J'ai mon 3K, j'ai mon bloc. J'pars de la nuit dans la zone. J'ai mon 3K, j'ai mon bloc. Je rentre, je pars à battre, je pense. Il pleut des balles fortes, ça c'est lui qui se la prend. C'était genre le 4 temps, je roule un 4 feuilles. Je vais faire 4 meufs, j'achète un smartphone. Tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, si on descend, on peut te monter en l'air. Mais tu connais quoi de ma vie? Bah ouais, sur le pas si c'est pour tirer en l'air. Et puis solo, je fais le vide, je ne que la note. J'en remets 3 dans le baril et je vais pas raconter ma vie. Assis sur un rocher, je vais derrière cocher ma nouvelle chemise et je dis les gros, je suis dans le gris. Et je suis tôt. Si tu rentres avec nous, tu payes pas l'entrée. On est tôt.